Le 5 octobre, à 8 h du soir, une foule compacte se pressait dans les salons du Gun Club, tous avides de connaître l'importante communication du président Barbicane. Barbicane était un homme de 40 ans. Nommé directeur de l'artillerie pendant la guerre, il se montra fertile en invention. Il contribua puissamment au progrès de cette arme et donna aux choses expérimentales un incomparable élan. C'était un personnage de taille moyenne, ayant, par une rare exception dans le Gun Club, tous ses membres intacts. Braves collègues, on a beaucoup étudié la Lune, et on sait d'elle tout ce que les sciences mathématiques, l'astronomie, la géologie, l'optique peuvent en apprendre. Mais jusqu'ici, il n'a jamais été établi de communication directe avec elle. Un violent moment d'intérêt et de surprise accueillit ces paroles. Il y a quelques années, un géomètre allemand proposa d'envoyer une commission de savants dans les steppes de la Sibérie. Là, sur de vastes plaines, on devait établir d'immenses figures géométriques. Tout être intelligent, disait le géomètre, doit comprendre la destination scientifique de cette figure. Les Sélénites, les habitants de la Lune, s'ils existent, répondront par une figure semblable, et la communication sera établie. Mais son projet ne fut pas mis à exécution. Jusqu'ici, aucun lien direct n'a existé entre la Terre et son satellite. Le moyen d'y parvenir est simple, facile, certain, immanquable. Il doit faire l'objet de ma proposition. Vous savez, dit-il, quel progrès la balistique a fait depuis quelques années et à quel degré de perfection les armes à feu seraient parvenues si la guerre eût continué. Vous n'ignorez pas non plus que d'une façon générale, la force de résistance des canons et la puissance expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien, partant de ce principe, je me suis demandé si au moyen d'un appareil suffisant établi dans des conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d'envoyer un boulet dans la Lune. J'ai pris la question sous toutes ses faces. Je l'ai abordée résolument. Et de mes calculs indiscutables, il résulte que tout projectile doué d'une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde, le yard équivaut à peu près à 1 km, et dirigé vers la Lune, arrivera nécessairement jusqu'à elle. J'ai donc l'honneur de vous proposer, mes braves collègues, de tenter cette petite expérience.